pourquoi le monde tourne à l'envers. Pourquoi j'ai pas compris comment le temps glisse entre mes doigts. Comment j'ai pas compris pourquoi je finirai mille pieds sous terre. À ce qu'on m'a dit, qui sème le vent récolte la misère. Mais vraiment, cette histoire, sa majesté, le hasard, ses copies restent à venir, et la faudra pas pâlir, et le sang coulera, et on s'en mordra les doigts, mais le pire reste à venir, et le pire reste à subir. Pourquoi les gens marchent sur la tête, tu t'aides, mais moi j'ai pas voulu me mouiller sous cette vieille tempête. Peut-être je devrais, pourquoi pas, sortir un peu la tête. À ce qu'on m'a dit, qui sème le vent récolte la tempête. Sûrement, sûrement. Cette histoire, sa majesté, le hasard, c'est que le pire reste à venir, et la faudra pas pâlir, et le sang coulera, et on s'en mordra les doigts, mais le pire reste à venir, et le pire reste à subir. Pourquoi le monde tourne à l'envers. Pourquoi j'ai pas compris comment le temps glisse entre mes doigts. Comment j'ai pas compris pourquoi je finirai mille pieds sous terre. À ce qu'on m'a dit, qui sème le vent récolte la misère.